Alors, bonjour. On va aborder un sujet qui devrait être intéressant. Un changement. Je me suis amusé ces derniers temps à fouiller un peu pourquoi, à travers l'astral, à travers les... ce qui traîne comme mémoire pour essayer de comprendre ce qui a fait en sorte que certaines personnes sont toujours riches malgré elles, ce qui fait que certaines personnes deviennent rapidement millionnaires. Et parce que pour l'être qui se conscientise, le manque d'argent, c'est une limitation. À moins évidemment que la personne qui se conscientise vive dans la jungle, c'est pas trop un problème. Mais celui qui est dans la jungle, qu'est-ce qu'il se conscientise? Ce qu'il lui faut, c'est du poisson, puis il n'y en a pas plus que vous avez d'argent. Alors, quand on étudie les mécaniques astrales, on peut comprendre un peu les lois du chronotope actuel. En comprenant les lois du chronotope actuel, on comprend un peu ce qui empêche l'être humain qui est conscient de devenir riche. Pour moi, la richesse, c'est toujours une quantité de temps et une quantité d'argent. Allié à l'intelligence, ça donne aussi une quantité de santé. Et quand on étudie la mécanique, c'est évident qu'à la longue, on finit par pouvoir établir des chemins qui, normalement, s'ils sont suivis à la lettre, permettent aux gens d'aboutir. Il y a des chemins qui sont longs, des chemins qui sont moyens, il y a des chemins qui sont rapides. Mais on constate que les gens qui se conscientisent restent à peu près continuellement pauvres. Et quand je parle de pauvre, je parle de l'assisté social à celui qui fait 50 000 par année. Ça reste pauvre. Entre 50 et 100 000, c'est moins pauvre. En haut de ça, ça commence à être agréable. C'est pas encore riche, mais ça va. Mais les gens restent pauvres. Alors, c'est évident que pour la majorité d'entre les gens qui se conscientisent, le gros handicap, la première chose, c'est qu'ils n'appliquent pas ce qu'ils savent. Ils n'appliquent pas ce qu'ils savent parce qu'ils n'ont pas les capacités d'appliquer ce qu'ils savent. Il y a des lois du chronotope qui forcent continuellement l'être humain à tourner en rond. Cette loi s'appelle la loi de l'occupation. La loi de l'occupation est sous-tendue par le malheur, la recherche du malheur, par la misère, la recherche de la misère, par la créativité, par la recherche de la créativité, finalement par l'ennui, par la maladie, par les jalousies, par la nature fondamentale de l'être humain. Probablement que la majorité des gens qui assistent aux conférences sont des alcooliques, qui souffrent d'une autre forme d'alcoolisme et qui, au lieu d'aller dans une taverne pour s'occuper, viennent en conférence. Quand on va à la taverne, on n'avance pas. Probablement que quand on vient en conférence, on n'avance pas non plus. Dans certains cas, la taverne peut devenir un endroit extraordinaire pour apprendre, comme une conférence. Est-ce que les gens qui sont en démarche de conscientisation sont si différents des autres? Par certaines choses, oui. Par certains petits pics, par certains petits sommets, oui. Par la base, non. Il y a des mécaniques à connaître, il y a des lois à connaître. Lois qui vont changer au fur et à mesure que l'être humain va glisser d'un homochrone à un autre. Quand l'être humain devient chronograde, c'est-à-dire quand l'être humain devient un voyageur transtemporel, quand il est capable de glisser à travers les homochrones, il applique. Appliquer, c'est se déplacer. Alors, je me suis posé la question, pourquoi les gens qui ne se conscientisent pas parviennent-ils souvent à être riches ou à atteindre leurs objectifs, des buts? Buts qui sont habituellement astrales, n'empêche qu'ils parviennent à les atteindre. Pourquoi les gens qui, par exemple, décident de fonder quelque chose d'extraordinairement bien ne sont pas nécessairement des êtres de bien? Et pourquoi les gens qui sont des êtres de bien parviennent habituellement jamais à fonder des choses qui sont bien? Il y a des mécanismes d'équilibre. On a vu à la dernière conférence que l'être humain vivait dans une assiette de vie, et qu'il était soumis à une programmation particulière qui l'obligeait à tourner en rond dans son assiette. Il pouvait se véhiculer un peu n'importe où dans l'assiette, mais grosso modo, il tournait en rond. Ce qui fait que plus ça change, plus c'est pareil. On a vu aussi que vous aviez un ensemble de programmations et que la majorité de ces programmes-là ne seraient jamais portés à votre conscience. Parce que la vie ne vous amènerait jamais à avoir besoin de ces programmes. Mais lorsqu'une personne a tendance à se conscientiser, a tendance à changer, elle peut changer d'assiette, donc changer d'homochrone, donc améliorer son sort. La problématique, c'est que c'est illégal dans le chronotope actuel. L'être humain, ici, doit souffrir. C'est stupide, fait partie des lois. Nous sommes sur une planète prédatoriale. Nous tuons pour manger et nous nourrissons aussi. Et nous sommes souvent tués pour alimenter. Alimenter les dieux, alimenter les histoires, les fables. Il y a une absurdité évidente. Chaque fois que vous avez la chance ou la possibilité de changer d'assiette, toutes les mécaniques de programmation vont s'associer pour vous obliger à revenir au centre de l'assiette, à ne pas changer. Cela, évidemment, amène un problème. Même si vous avez de l'information, vous ne pouvez pas changer, ou très peu. Ben, vous changez un peu jusqu'à temps que la crise arrive et qu'on vous ramène. Il faut donc que vous vous formiez, que vous vous reprogrammiez. On a vu à la dernière conférence comment se créer un reprogrammeur. Donc, les gens qui n'y étaient pas, vous pouvez vous y référer. Parmi les lois les mécaniques, les choses à connaître et à utiliser et à faire, qui sont accessibles à vos égos pour vous permettre d'arriver à être riche, il y a des choses que les êtres humains riches ont faites et font, et qui, malgré souvent le manque ou le peu d'intelligence qui les habite, les conduit au succès. Il y a un dicton planétaire évident qui dit que certains ont du succès, d'autres ont du talent. Il faut que l'être qui se conscientise comprenne bien que le talent n'est pas un gage de succès. Le succès est régi par d'autres mécaniques. Très souvent, les gens qui accèdent au succès développent le talent en même temps, ce qui donne l'impression que le talent les a menés au succès. Très souvent, le succès les a menés au talent. Et ce talent-là est utilisable uniquement dans l'homochrone dans lequel ils sont placés. Leur génie est bon là. Certaines personnes sont parvenues à faire de l'argent uniquement parce qu'il y avait la guerre dans leur pays. D'autres sont parvenus à faire de l'argent uniquement parce qu'il y a eu un krach boursier. D'autres sont parvenus à faire de l'argent uniquement parce qu'il y avait une récession majeure. D'autres font de l'argent parce qu'il y a une remontée. Le génie apparaît uniquement quand on observe l'efficacité de ses actions dans un temps donné. Celui qui est un génie des affaires, lorsqu'il y a un krach, il peut tout perdre. Celui qui est un imbécile des affaires, lorsqu'il y a un krach, il peut tout gagner. Le mot « génie », très relatif. Mais il y a des mécaniques que ces personnes-là ont utilisées, des mécaniques qui leur sont communes. Et quelle que soit la valeur de l'intelligence qui les habitait ou qui est exprimée par ces personnes, elles ont utilisé ces mécaniques. Et c'est de ces mécaniques que j'ai le goût de vous parler aujourd'hui. Premièrement, fondamentalement, vous êtes des menteurs et des menteuses. Vous ne pouvez pas admettre sincèrement, d'une façon transparente, ce que vous voulez, ce que vous êtes, quels sont vos problèmes, quels sont vos handicaps, quels sont vos désirs, quels sont vos espoirs. Vous vous mentez. Les gens qui sont parvenus à être riches, bien que souvent ils se mentaient, eux aussi, leur mensonge était la copie de la réalité. Autrement dit, vous me demandez ce qui s'est passé à telle place, je vous conte un mensonge, et ça s'adonne que mon mensonge est la réplique de la vérité. Alors mon mensonge est une vérité. Vous me demandez qui a commis tel vol, je vous dis c'est un tel. Je ne sais pas c'est qui. Donc je mens. Mais ça s'adonne que c'est exactement la personne que j'ai nommée. Alors même si je me mens, j'ai la vérité en face de moi. Comme nous fonctionnons dans l'illusion, comme nous fonctionnons avec nos mensonges, nous devons espérer qu'un jour nous allons nous mentir en nous présentant la vérité. Ou bien nous devons devenir plus transparents avec nous-mêmes, ce que les personnes qui sont devenues riches n'ont pas su faire. C'est pourquoi ils ne contrôlent pas leur richesse. Mais ça donne qu'ils ont été capables de se mentir de façon à faire apparaître la vérité devant eux. Que voulez-vous faire? Quel est le but dans votre vie? Et c'est important de ne pas se leurrer. Si, quand je pose la question, la réponse qui vient, c'est « Je n'ai aucune idée, j'en ai rien à foutre de la vie, on m'a fait naître, je suis ici, j'ai peur de la mort, je suis sur une planète, sur l'aile droite d'une galaxie placée quelque part dans un univers totalement oublié. Alors, je n'ai vraiment rien à foutre. » Vous devriez être capable d'en déduire que votre but est de souffrir. Parce que même si vous n'êtes pas en état de savoir ce que vous êtes, c'est quoi, quelle est la raison de votre présence dans l'univers, vous pourriez au moins vouloir rendre confortable l'illusion. Au moins rendre confortable votre présence. Mais si à chaque fois vous êtes court-circuité dans votre pensée par des mécaniques qui vous amènent finalement à aller à l'encontre du confort, de la joie, du bonheur, de la liberté, vous mourrez probablement, mais au moins vous aurez fait le tour de la Terre autant de fois que vous voudrez. Vous aurez fait ce que vous voudrez dans la vie. Vous aurez au moins vécu une vie qui sera en harmonie avec votre intelligence, et non pas toujours une vie qui est une insulte à votre intelligence. Que voulez-vous faire? Pourquoi venez-vous ici aujourd'hui? Bien, les gens se mentent lorsqu'ils répondent. De temps en temps, certaines personnes, dans leur mensonge, expriment la vérité. Ils croient que c'est un mensonge. Mais c'est ça. Et ceux-là ont maintenant une clé pour avancer. Ils l'ignorent, évidemment. Or, à un moment donné, il faudra que vous puissiez être capable de déterminer royalement un objectif, un but. Et le but ne doit pas être un but impossible à atteindre. Le but doit être égologique. C'est-à-dire, le but doit être acceptable par vos structures émotives. Sinon, vous allez travailler contre. L'oublier, le repousser. Alors, ce qui est essentiel, c'est que vous puissiez déterminer un objectif, un but. On en a parlé dans un PMC+. Le but doit être un but que vous pouvez probablement atteindre dans 10 ans. Dans certains cas, peut-être dans 20 ans. On doit se déterminer un but. Vous ne prenez pas de notes, c'est enregistré sur cassette. Ce que je vais vous dire est quelque chose qui peut être suivi et ça fonctionne. Le but doit être un but général. Un but qui est capable d'englober différentes nécessités, différents besoins que vous avez. Le but peut être l'argent. En tant qu'être intelligent, l'argent doit nécessairement servir à vous affranchir, à vous rendre libre, et non pas à vous faire devenir esclave de l'argent. Le but il doit pouvoir être symbolisé. Donc, il doit pouvoir être astralisé. C'est-à-dire qu'il doit pouvoir être véhiculé au niveau du mental et être véhiculé au niveau de l'astral, de la psychologie. Il doit donc être égologique. Le but doit être symbolisable. C'est-à-dire, vous devez pouvoir le visualiser en plus de pouvoir le prononcer. Ensuite, vous devez vous entraîner à le visualiser. Toutes les personnes qui ont réussi, ont eu un but, ont pu le visualiser et ont pu maintenir ce but dans leur plan mental ainsi que dans leur plan astral. Les gens qui ne peuvent maintenir le but sont des gens qui n'ont pas de but. Lorsque vous serez capable de maintenir le but dans les deux plans, la majorité de toutes les effervescences astrales et mentales vont progressivement être canalisées vers les buts. Alors, il y a des stratégies à utiliser pour pouvoir se servir d'un but. Lors du dernier PMC+, on a parlé suffisamment de comment établir les buts, comment établir des hiérarchies à travers les buts. Donc, je ne reviens pas là-dessus. Vous devez avoir un but, et ce but-là doit être réel. Il peut changer en cours de route, dans 5 ans. S'il change à tous les mois, ce n'est pas un but. C'est parti de l'occupation. Et c'est pourquoi le but doit être général. Plus il va être général, mieux ça va être, parce que ça va vous permettre plus de mouvement, de liberté à travers votre mouvement dans la recherche du but. Si le but est d'avoir une automobile jaune avec 5 pneus, puis avec ceci, cela, cela, cela, ça, vous êtes beaucoup trop spécifique. Donnez-vous de l'argent, vous achetez l'automobile que vous voudrez, quand ce sera le temps. Le but, comment on fait pour évaluer si le but est réel? Est-ce que c'est le vrai but? Est-ce que c'est votre but? Et le but, c'est un but pour les 5 prochaines années, pour les 10 prochaines années, pour les 20 prochaines années. Pas un but pour votre vie, pas maintenant. Il vous manque trop d'informations. Alors, comment évaluer si le but est réel? Un but réel entraîne automatiquement le déterminisme. Un but qui est réel engendre automatiquement chez la personne la détermination. Personne qui a un but réel devient automatiquement déterminé. Les gens qui ont réussi ont toujours été des gens déterminés. Les grands guerriers, les grands hommes ou les grandes femmes qui sont devenus riches, ceux qui ont remonté des empires, ceux qui ont remonté des nations, ceux qui ont fait de grandes découvertes, toutes les personnes qui ont réussi ont été des gens déterminés. La détermination ne peut naître chez vous que lorsque votre vrai but aura été trouvé. Là, la détermination va apparaître. La détermination, c'est l'expression en faisceau de toutes les énergies astrales et mentales qui, normalement, vous permettent de bouger à travers les homochrones, donc de glisser à travers le temps. Normalement, l'être humain glisse à travers le temps vers le vieillissement et à travers un paquet d'expériences, d'événements. La détermination est un canal. Tant que vous voyagez dans le temps sans canal, vous êtes le jouet du temps. Et donc, assujetti à tous les types de vents. Les vents astraux, les modes, les situations économiques, les situations politiques, les idées, les problèmes. Vous êtes assujetti à la collectivité. L'être humain qui est déterminé détermine le collectivisme. L'être humain qui est déterminé est à un faisceau à lui pour avancer et normalement, il va moduler les énergies collectives en fonction de sa détermination. Et je ne vous dis pas qu'il va travailler à faire ça. La détermination engendre ça. Alors, quand vous allez avoir un but, quand vous allez avoir trouvé votre but, quel qu'il soit, la façon d'évaluer s'il est vrai, il y aura la détermination qui va apparaître. Et la détermination ne s'estompe pas en 3 mois. Elle demeure. Si votre but est un vrai but, pas un désir, pas une manipulation émotive, pas un truc banal pour combler un besoin mineur. Un but. Maintenant, on peut utiliser le but. Toutes les personnes qui ont réussi ont utilisé leur but d'une façon très, très, très particulière. C'est que le but a toujours fait partie d'un poids pesant qu'elles ont utilisé dans la balance de la vie pour prendre des décisions. Ça veut dire que, en plus de visualiser leur but minimum une 20aine de fois par jour, de s'arrêter à un coin de rue, fermer les yeux, voir l'objectif, voir le but, d'entrer dans une entreprise, avant de faire quoi que ce soit, fermer les yeux, voir le but, d'acheter quelque chose, mais avant d'acheter, voir le but. Autrement dit, nourrir et préserver la détermination. Mais ils se sont servis de l'objectif, du but. Ils en ont fait un poids pour le placer dans la balance de la vie, pour être capable d'évaluer les choses. Et ça, ça a fait en sorte que toutes les personnes qui ont réussi ont été très peu, sinon pas du tout, soumis à la dissonance cognitive. Et ça fait donc en sorte que la majorité des gens qui ont réussi ont été très peu soumis aux échecs. Parce que chaque fois qu'ils ont eu une décision à prendre, ils ont pesé le pour et le contre, et ils ont toujours placé le poids du but dans la balance. Donc, ils n'ont pas pesé entre la possibilité A et la possibilité B, laquelle je prends. Ils ont mis le but d'un côté de la balance et la possibilité A de l'autre côté. Ils ont regardé ce que ça donnait. Ensuite, ils ont mis la possibilité B à la place de la A. Ils ont regardé ce que ça donnait. Et comme c'est le but qui était déterminant, ils ont pris la partie qui était capable d'amener le but à être exprimé, à gagner. Exemple, vous voulez vous acheter un type de maison particulière, vous la visualisez, vous la voyez, vous la nommez. Quand vous voulez aller vous acheter un nouvel ensemble de salons pour votre maison ou votre loyer où vous êtes actuellement, avant d'acheter, la personne qui réussit se ferme les yeux, voit la maison et se demande si en achetant ça, elle aura plus vite la maison. La réponse, non. Elle n'achète donc pas ça. Chez elle, il n'y a pas de problème. Et les grandes voies manipulatrices glissent sur elle parce qu'elle a un foutu déterminisme et parce qu'elle utilise le but dans la balance de la vie. Est-ce que je vais changer d'automobile? Ferme les yeux, vois la maison, nomme la maison. En changeant d'automobile, est-ce que je vais avoir plus rapidement ma maison? Non. Pas de problème, on ne change pas d'automobile, on garde la minoune. Régulièrement, la personne prend le poids, le but, le met sur l'un des plateaux de la balance, et ses décisions vont de l'autre côté. Mais l'être humain normal va évaluer entre deux choix ou entre trois choix. Et l'objectif, le but, est quelque part ailleurs que sur la balance. Et ça limite énormément la capacité qu'a l'être humain d'aboutir, de foncer, d'avancer. Toutes les personnes qui ont réussi ont utilisé le but comme un poids qu'ils ont placé dans la balance de la vie. Et chaque fois qu'ils ont eu une décision à prendre, ils ont pris la décision en posant la question, « Est-ce que cette action me permet d'atteindre plus rapidement mon objectif? » Tout le temps. Les gens qui ont réussi ont développé une habileté métacognitive qui est celle de la fragmentation du problème. Les gens qui ont suivi le cours métacognition que j'ai donné à l'Académie portaient sur la résolution de problèmes. Alors, vous avez les éléments nécessaires pour le fractionner, le problème, de façon à peser les fractions du problème en fonction du but, quand on ne peut pas peser le problème dans son entier. Il y a des lois. La loi du déterminisme. Tous ceux qui l'ont suivi ont été des gens qui ont réussi. Ils ont réussi à guérir des maladies, ils ont réussi à gagner des prix Nobel, ils ont réussi à faire de l'argent, ils ont réussi à avoir une famille, ils ont réussi à atteindre leur but. Si le but est un petit but, ils ont leur petit but. Si le but est un grand but, ils ont leur grand but. Mais ça fonctionne, c'est ce qu'ils utilisent. La loi du déterminisme est supportée par celle de la répétition, la reprogrammation. On doit se créer un reprogrammeur astralisé, anégoïque, égologique et programmable par l'intelligence. Pas juste programmé, programmable. Il faut que ça puisse être modulé, être changé au fur et à mesure de notre glissement homochronique. On a vu la dernière conférence comment créer un reprogrammeur, comment l'outiller. Il faudrait réécouter la cassette. Les personnes qui ont réussi utilisent notre mécanique. Elles savent s'entourer. Toutes les personnes qui ont réussi ont su s'entourer. S'entourer de qui? S'entourer de quoi? Toutes les personnes qui ont réussi ont été capables de s'entourer de gens qui pouvaient leur permettre d'atteindre plus rapidement leur objectif, leur but. Mais il y a une autre loi plus forte que les gens qui ont réussi ont appliquée, alors que d'autres personnes qui n'ont pas réussi ou réussi un peu n'ont pas su appliquer. Les gens qui ont réussi savent ne pas s'entourer des gens avec qui ils ne doivent pas être. Les gens qui ont réussi savent se débarrasser des choses qu'ils n'ont pas besoin. Alors, les gens qui réussissent à moitié ou peu, parmi ceux-là, certaines s'entourent des bonnes personnes, mais ne se départissent pas des mauvaises personnes. S'entourent des bons objets, mais ne sont pas capables de se débarrasser des objets qui ne servent pas. Dans la mécanique astrale, on sait que tout ce qui ne sert pas nuit. Ce sont des fardeaux. Alors, les gens qui ont réussi ont toujours été capables de s'entourer des bonnes personnes et de se libérer des autres. Si vous avez la détermination, c'est parce que vous avez un but réel. Si vous avez un but réel, il sera un poids à placer dans la balance de la vie. Le poids placé dans la balance de la vie éliminera la majorité des dissonances cognitives et servira de guide pour vous permettre d'avancer. Si vous avez la détermination, vous allez tout sélectionner en fonction du but. Donc, vous allez couper chaque fois qu'il faut couper et vous allez vous lier chaque fois qu'il faut vous lier. Les gens qui ont réussi, c'est ce qu'ils ont fait. Toutes les personnes qui ont atteint leur but avaient aussi une autre mécanique qu'ils maîtrisaient bien. Ils avaient une pensée. Mais, ils avaient une pensée organisée. Ils n'avaient pas uniquement une pensée, ils avaient une pensée organisée. Toutes les personnes qui ont réussi avaient une pensée organisée. Ça veut dire que ces gens-là avaient, de par leur nature ou par l'acquis, par l'expérience de leur vie, avaient développé des stratégies métacognitives qui leur permettaient, qui leur servaient d'agenda, qui leur servaient de réveil, qui leur servaient à déterminer, à détecter les bonnes occasions, qui leur servaient à gérer leur temps, leur énergie, leur argent, qui leur servaient à utiliser le but comme un poids dans la balance. Jamais ils n'oubliaient. Leur pensée étant tellement organisée, à chaque fois qu'ils avaient une décision à prendre, elle était toujours soumise à la question « Est-ce que ça va me permettre d'atteindre plus rapidement mon but? » Ils n'oubliaient pas de rendez-vous. Ils n'oubliaient pas d'acheter ceci ou cela. Ils n'oubliaient pas de faire ceci ou cela. Ils n'oubliaient pas de dire. Ils n'oubliaient pas de taire. Ils avaient une pensée structurée. Ils avaient une pensée organisée. Ils n'oubliaient pas, au moins 20 fois par jour, de visualiser le but. Ils n'oubliaient pas, le plus souvent possible ou quand c'était nécessaire, de faire ce qu'ils devaient faire. Leur pensée étant organisée, elle était encore une fois beaucoup moins soumise à l'emprise de l'astral, de la désorganisation. Et ayant une pensée organisée, ils étaient beaucoup moins soumis à l'occupation. Alors, les gens qui ont réussi ont tous eu une pensée organisée. Maintenant, que faire des pauvres conscientisés qui ne sont peut-être pas équipés pour trouver un but réel qui peut créer la détermination, qui ne sont pas suffisamment organisés pour être capables de se former, de s'organiser, de développer une pensée organisée qui va leur permettre d'utiliser les mécaniques, les lois et les choses qu'ils ont apprises de façon à pouvoir rapidement optimiser leur vie. Eh bien, j'ai cherché un peu. J'ai encore une fois fouillé un peu dans la vie des gens riches et célèbres. Et j'ai trouvé des points qui peuvent très bien aller en harmonie avec le processus de conscientisation. Parce que les gens qui ont réussi n'ont jamais eu de grandes questions existentielles. Ça vous rend donc tous pauvres. Les gens qui ont réussi ne se sont jamais posé de grandes questions. Après la réussite, peut-être. Pas pendant. Étant donné que pour vous, il est un petit peu tard, on va utiliser une autre stratégie. Une stratégie qui vous colle aux fesses depuis votre conscientisation. Certains depuis votre naissance. Certains depuis 3-4 vies. Mais cette stratégie-là, la problématique, c'est que vous la fuyez en permanence. Et la farce, c'est que pour atteindre le but jusqu'à date, le conscientisé fuyait la stratégie qui pouvait lui permettre d'atteindre le but. Alors, je vais vous en parler aujourd'hui. Vous ne pouvez pas partir comme ça et utiliser la stratégie pour la majorité parce que vous n'êtes pas suffisamment formé. Il y a des cours que je donne, que je vais donner, qui vont permettre de former. Il y a le cours « Cosmogonie de la réalité ». Le titre n'est pas bon. Le cours pourrait s'appeler « Comment glisser d'homochrone ». C'est plus vrai. Ceux qui l'ont suivi, c'est ce qu'ils ont compris. Il y a des cours qui forment mieux. Je vous explique les principes de la stratégie. Il y a une loi qui existe, qu'on peut appliquer, qui s'appelle la loi du pied au mur ou pied du mur. Plusieurs personnes qui ont réussi ont changé de vie et commencé à réussir lorsqu'ils étaient au pied du mur. Lorsque j'attaque un chevreuil dans la forêt, il fuit. Même si c'est un mâle, même s'il a un beau panache, même s'il a de bons sabots, même s'il est 6 à 8 fois plus fort que moi, il fuit. L'imbécile. Mais s'il est pris au pied d'un mur, dans un cul-de-sac, et qu'il ne peut plus fuir, de deux choses l'une, je le tue, ou bien subitement il se découvre un panache, des sabots, une souplesse, une force, une rapidité, et c'est moi qui déguerpis. Certaines personnes au pied du mur meurent. D'autres bâtissent des empires. Alors, les conscientisés sont effectivement obligés d'être amenés au pied du mur. Et vous devrez, si vous voulez faire autre chose de votre vie que ce que la vie vous fait faire, vous allez devoir vous placer au pied du mur. Maintenant, se placer au pied du mur, ce n'est pas de faire comme certains moines du passé, où on va tout donner aux pauvres pour être plus pauvres qu'eux. D'après ça, on se dit maintenant, je suis au pied du mur. C'est évident que vous allez changer beaucoup. Vous devez déterminer votre but avant. Quand le but est déterminé, vous pourrez vous mettre au pied du mur. Plusieurs, vous vous dites déjà, je suis déjà au pied du mur. Mais vous n'êtes pas au pied du mur. Se mettre au pied du mur, une personne dit, je veux me lancer en affaires. Parfait. Mais le temps qu'elle ne laisse pas son emploi, elle ne se lancera pas en affaires. Parce qu'elle n'est pas au pied du mur. Tant qu'elle ne sera pas 100% responsable de ses gestes, de ses actes, de ses décisions, de ses profits, de ses dépenses, de ses investissements et de ses pertes, elle n'est pas au pied du mur. Mais pour l'être humain, évidemment, autant pour celui et celle qui se conscientise, être au pied du mur engendre de l'insécurité. L'insécurité fait en sorte, pour l'ego, d'établir des lois, des mécaniques qui vont nous permettre de fuir l'insécurité. La drogue, la boisson, l'occupation, la distraction, le travail, le salaire, un peu d'argent, des économies, un emploi. Quand on sait qu'un patron peut difficilement emprunter parce qu'il n'a pas d'emploi stable, mais que tous ses employés peuvent emprunter sans problème parce qu'eux ont tous un emploi, parce qu'au patron, on lui dit « oui, mais il n'y a rien qui dit que vous ne ferez pas faillite », aux employés, aucun problème, on est certain que leurs patrons ne font pas faillite. Le pied du mur est un outil à utiliser pour changer. Autrement dit, vous devez être obligé de changer pour changer. Et tant que vous ne serez pas obligé de changer, vous ne changerez pas. Ce qui fait en sorte que les conscientisés partout sur la planète ont toujours fait le minimum nécessaire pour ne pas régresser, mais ils ne font jamais le maximum nécessaire pour changer. Ils font le minimum nécessaire. La loi du pied du mur, elle est ample. Elle est vaste. La loi du pied du mur implique que vous devez être responsable. Responsable, ça veut dire que vous devez être en état de répondre. Latin, qui veut dire répondre. Un être humain responsable est quelqu'un capable de répondre de ses actes. Répondre de ses actes veut dire être capable d'expliquer, de défendre, de démontrer. Et lorsqu'il a tort, lui seul apprend. Mais tant que vous êtes soumis à des actions pour lesquelles vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes pas au pied du mur. Et en tant qu'être qui se conscientise, vous ne pourrez pas non plus réussir. Les gens, les conscientisés comme les autres, ont donc établi toute une série de mécanismes pour ne jamais être au pied du mur. Ça fait d'ailleurs partie de la programmation de l'assiette de vie de la majorité des habitants de la planète. Quand, par exemple, en Somalie, le peuple est en train de mourir de faim, il est au pied du mur. Alors, le peuple va faire une guerre civile. Alors, les pays extérieurs vont envoyer de la nourriture. Alors, le peuple va manger un petit peu. Alors, le peuple n'étant plus au pied du mur, le peuple ne fera pas sa guerre civile si salvatrice. Et on entretient comme ça la pauvreté. En Haïti, ça a été la même chose et ça reste encore la même chose. Il y a des changements parce que quand l'humain est rendu au pied du mur, il bouge un petit peu. On a libéré, à un moment donné, le Panama de Noriega. Noriega, ancien agent de la CIA, payé par le gouvernement, placé d'ailleurs là par le gouvernement américain. Et finalement, balayé par le gouvernement américain. Pas parce qu'il servait de... Il faisait que son pays servait de plateforme pour la drogue vers les États-Unis. Ça, c'était organisé, c'était correct. Mais parce que l'opinion mondiale a mis les Américains au pied du mur. Et c'est toujours comme ça. On s'est intéressé au Koweït quand on a failli manquer de pétrole. Pour l'être humain, c'est la même chose. Pour le conscientiser, c'est la même chose. Si actuellement, dans le chronotope présent, vous attendez qu'on s'occupe de vous, bien, vous allez réussir à attendre. Vous allez attendre longtemps. Alors, vous devriez, vous devrez vous dégager de la sécurité pour entreprendre un cheminement insécure, un cheminement qui va vous obliger à être au pied du mur. Et ce cheminement-là du pied du mur est l'une des voies de la réussite. J'ai écrit certaines choses sur le pied du mur, lors de la deuxième partie, probablement qu'on va en parler un peu. Le fait d'être au pied du mur va vous donner la meilleure école de vie que vous pourrez jamais avoir. Parce qu'en étant au pied du mur, vous allez être obligé de prendre conscience d'une façon personnelle, individuelle et implacable des lois qui vous assujettissent à l'échec, des lois qui régissent votre monde. Quand ça ne fonctionnera pas, vous saurez pourquoi. Vous saurez à cause de qui, vous saurez à cause de quoi. Sinon, vous vous plaignez face à la vie. Vous maudissez votre employeur. Vous maudissez l'astral. Mais vous ne connaissez pas la problématique. Vous ne pouvez pas régler la problématique. Quand je dis que, ça fait des années que je le répète, que l'être humain qui veut s'en sortir ne peut pas s'en sortir tant qu'il est à l'emploi de quelqu'un. Ben, c'est d'autant plus vrai que quand on est à l'emploi de quelqu'un, on n'est jamais au pied du mur. Vous démissionnez pas tout demain. Je dis qu'il faut de la formation aussi pour être capable de comprendre comment on peut régir. Mais pour réussir, vous devrez accepter de vivre dans l'insécurité. Une insécurité que vous devrez apprendre à contrôler pour qu'elle ne vous gruge pas. Mais tant que vous allez rester dans la sécurité, vous ne pourrez pas vous en sortir. Parce que vous n'utiliserez jamais votre pleine capacité. Votre ego va vous en empêcher. Quand vous êtes dans la sécurité, vous n'êtes pas au pied du mur. Chaque tentative pour améliorer votre sort risque de briser la sécurité. Alors l'astral et votre ego vont donc tout faire pour que vous ne tentiez rien. Dans la sécurité, vous ne pouvez pas améliorer votre condition de vie. Vous ne pouvez même pas changer. Vous pouvez apprendre. Vous ne pouvez pas prendre. Dans l'insécurité, même l'ego travaille pour vous laisser avancer, dans l'espoir que vous retrouviez la sécurité. Et dans l'insécurité, vous n'avez donc aucune barrière. Quand vous aurez suffisamment faim, vous n'aurez plus honte de mendier. Et vous verrez après que ce n'était vraiment pas compliqué. Quand vous aurez vraiment la détermination d'atteindre un but, vous n'aurez plus aucun foutu problème d'apprendre telle ou telle chose, de vous former à telle ou telle affaire, de mettre tel ou tel vêtement, d'aller rencontrer telle ou telle personne. Il n'y aura plus aucun problème. Vous n'aurez pas à vous battre, à lutter contre votre ego. Il va vous ouvrir tout grand les portes en avant. Il y a une façon d'entretenir le pied du mur à l'intérieur de notre esprit, de notre ego. Être au pied du mur ne veut pas dire tout perdre. Être au pied du mur veut dire être dans une situation où il n'y a plus de sécurité. Alors, vous aurez le choix de retrouver la sécurité ou de vous prendre en main. Quand vous êtes dans une situation où il n'y a plus de sécurité, cela veut dire que vous êtes responsable. Ça veut dire que vous avez la liberté d'agir. Tant que vous n'avez pas la liberté d'agir, vous n'êtes pas dans une situation pied du mur. Vous pouvez être insécure. C'est votre nature. Votre insécurité fait partie de votre sécurité. Vous n'êtes pas au pied du mur. Par exemple, vous êtes insécure parce que ça se peut que votre employeur ferme ses portes. Oui, mais vous n'êtes pas au pied du mur. Quand vous serez dehors, l'employeur ayant fait faillite, vous allez être insécure, vous allez être sur le chômage. Mais vous n'êtes pas au pied du mur. Quand vous n'aurez plus de chômage, vous allez être très insécure, vous allez être sur le bien-être social. Mais vous ne serez pas pris au pied du mur. Mais ça dépend comment vous allez vous structurer métacognitivement. Pour certaines personnes, être sur le bien-être, c'est d'être au pied du mur. De là, ils partent leur empire. Pour d'autres, être sur le chômage, c'est d'être au pied du mur. De là, ils partent leur succès. Pour d'autres, être en instance de perdre l'emploi, c'est d'être au pied du mur. Ils n'attendront pas plus et ils vont se lancer et réussir. Le pied du mur, c'est un état. Vous investissez de l'argent dans une compagnie. Et là, vous êtes insécure. Mais vous êtes sécure. Mais vous n'êtes pas au pied du mur, en tout cas. Parce que vous allez tenir pour responsable la perte de votre argent, ceux qui la gèrent si ça ne va pas. Mais vous ne pouvez pas répondre. Donc, vous n'êtes pas au pied du mur. On est au pied du mur quand on peut et quand on doit répondre de ses actes. Être au pied du mur, c'est quelque chose qui se gère. Moi, j'ai déjà investi de l'argent dans la compagnie d'un ami. J'étais au pied du mur, alors j'ai été capable de libérer de l'argent pour la lui donner. Lui faire un chèque de 5 000 $ américains pour qu'il puisse essayer, travailler, pour faire de l'argent avec, pour se faire de l'argent et me faire de l'argent. Étant au pied du mur, je dégage 5 000 Américains et je lui donne. Il a tout perdu. Mais j'étais au pied du mur et je suis resté au pied du mur. Jamais je n'ai attendu après son succès. Donc, lorsqu'il a tout perdu, pour moi, je l'avais déjà perdu quand je le lui avais donné. Alors, j'ai pris 5 000 Américains. Je lui donne. Dans ma tête, c'est un 5 000. Oublie-le. Il est perdu. Si ça marche, tant mieux, tu auras gagné la loterie. Il y aura de l'argent comme ça qui deviendra, ce sera un héritage. Mais il est perdu. Vu qu'il est perdu, je reste au pied du mur. Et je continue maintenant à faire d'autres choses pour m'en sortir, pour changer ma condition. Et quand j'apprends qu'il ne l'a plus, ça ne change rien à ma condition. Ça, je le savais déjà. Depuis 8 mois. Depuis le moment où je lui ai donné le chèque. Donc, j'étais toujours au pied du mur et je restais au pied du mur. Une personne peut avoir 100 millions de dollars à la banque et être dans l'état pied du mur. Elle sera en dehors de la sécurité. La sécurité émotive, astrale, encarcanisante que l'humain connaît. La personne va être dans une absence de doute parce que c'est avec elle qu'elle travaille et c'est en utilisant son plein potentiel qu'elle travaille. Lorsqu'à un moment donné, quelqu'un me demande « Qu'est-ce que tu vas faire si la compagnie dans laquelle tu travailles ferme? » Moi, je lui réponds « J'ai aucune idée, mais une chose certaine, je vais m'en sortir rapidement. Je suis toujours dans la mécanique pied du mur. Je ne suis pas dans une vapeur de sécurité. Mais je ne doute pas de moi. Alors, je vais donc toujours utiliser mon potentiel. L'autre personne va dire, je ne le sais pas, j'espère qu'il ne fermera pas. Ce type d'espoir, finalement, est un problème. Parce qu'il entretient chez vous une sécurité astralisée, donc spirituelle, qui fait en sorte que vous ne pouvez pas atteindre l'étape pied du mur, qui, elle, est l'endroit d'où part votre succès. Vous devez atteindre ce terrain, ce territoire. Vous devez atteindre cet endroit. Parce que votre vie intelligente, votre vie nouvelle, votre vie réussie commence là, au pied du mur. Se mettre au pied du mur, ce n'est pas un trip psychologique, ce n'est pas un voyage astral. Donc, on ne prend pas tout ce qu'on a, puis on le donne, puis on se dit « ça y est, je suis au pied du mur ». Vous nourrissez votre besoin de souffrir. Mais toutes les personnes qui ont réussi ont été capables de prendre des risques. Quand une personne dit que c'est un risque calculé, ça veut simplement dire qu'elle a pris le but, poids, et qu'elle l'a mis dans la balance. Elle peut perdre. Elle est au pied du mur. Le chevreuil peut perdre son combat. S'il ne se bat pas, il est mort. S'il se bat, il peut gagner. Tant que nous vivons en troupeau, tant que nous vivons dans une prairie entourée de loups, nous sommes en sécurité. On espère toujours que la meute de loups va attaquer l'autre chevreuil. Et là, on court ensemble, puis on se promène, puis on mange un peu, on écoute, puis on espère que l'autre chevreuil va nous avertir, que le gibleux là-bas va crier pour nous dire qu'il y a des loups qui s'en viennent. Puis quand la meute attaque, on part tout le monde. Mais on est toujours sécuritaire. Parce que si la meute était au pied du mur, il n'y a pas un foutu loup qui pourrait toucher à quiconque dans le troupeau. Parce que le troupeau est en sécurité. Même s'il a peur, ben les loups ont toujours quelque chose à manger. Nous sommes des êtres conscientisables. Nous avons de la connaissance. Nous avons beaucoup d'informations. Cette information-là peut être transmuée en formation. La formation peut être appliquée. Si elle est appliquée, elle nous permet d'avancer. Pour glisser d'Omicron, finalement, première chose que vous devez faire, vous fixez un but. Le but peut être une saveur. Il doit être visionnable. Le bonheur, voyez-le, voyez-vous heureux, voyez le bonheur. Le but doit être nommable, visionnable. Il doit être maintenu et maintenable dans le plan mental comme dans le plan astral. Et il doit être nommé et visionné au moins une vingtaine de fois par jour. Les personnes qui ont réussi ont tous fait ça. Vous devez avoir un reprogrammeur. Et l'équiper. Vous devez toujours prendre vos décisions en fonction du but. Placer le but dans la balance. Est-ce que ça me permet d'atteindre plus rapidement mon but? Oui. Et allez-y. Si vous avez un vrai but, vous êtes déterminé. Si vous êtes déterminé, vous allez y aller. Vous devez vous entourer de gens qui vibrent comme vous. Toutes les personnes qui ont réussi ont su s'entourer de gens qui vibraient comme eux. Mais vous devez aussi apprendre à vous séparer, à vous distancer des gens qui ne vibrent pas comme vous. Et c'est là un point. Toutes les personnes qui ont réussi ont su se séparer des gens qui ne vibraient pas. Comme elle. Vous devez aussi aller chercher les outils nécessaires, autant matériels, humains qu'intellectuels. Toutes les personnes qui ont réussi ont su s'équiper, suivre des cours, lire, acheter des livres, aller dans les bibliothèques, poser des questions. Rencontrer des gens, se former, s'informer. Ce sont des sous-lois de la loi de glissement homochronique. Ceux qui ont fait le cours de cosmogonie de la réalité 1, vous en avez vu d'autres, qui sont essentiels pour vous permettre de vous relancer, de vous réinitialiser. Il faut appliquer. Je vais vous suggérer. Je vais vous suggérer, c'est vite dit que le temps qui passe. Alors, la deuxième partie, je vais probablement vous suggérer une stratégie pour vous permettre de découvrir jusqu'à quel point vous êtes handicapé. Non pas pour voir que vous êtes handicapé, pour voir l'amplitude du handicap. Et l'amplitude du handicap va vous permettre de voir sélectivement chacun des points à corriger. Autrement dit, une stratégie qui pourra vous permettre de modifier votre façon d'être pour devenir ce que vous aimeriez être. Alors, on va prendre une pause et puis quand on revient, eh bien, on parlera de stratégie.